Il était minuit passé, quand tu es passé, tu étais angoissé, car tu étais seul à marcher. Les lumières de la nuit t'ont éclairé et je t'ai accosté. Ça a pas été simple, car tu pensais que je serais défoncé. Je t'ai dit pourquoi tu es seul, tu étais sans voix comme une feuille. Je me suis présenté et t'as apprécié, tu as même rigolé, rigolé. Je ne voulais pas te draguer, mais juste te protéger. Je t'ai accompagné près de chez toi, puis je t'ai dit au revoir, car je ne voulais pas que tu penses n'importe quoi sur moi. Je ne cherche pas à t'avoir, mais juste quelqu'un que t'aimerais revoir. Je t'ai embrassé, puis je me suis dispersé. Mon esprit planait, mes yeux pensaient. Et toi tu partais, mais tu partais. Mais tu sais, que c'est pas des conneries. Yeah. J'ai gardé de secrets. Petit j'écrivais je t'aime avec une crêpe. Puis un jour j'ai vu la même crêpe sur le sol représentant un homme. Et la mort, un homme, et la mort s'est mise à m'aimer. Bien éduqué pour respecter, j'ai longtemps cherché la vérité. Puis la confiance est enterrée, mais la jalousie, est née. Cette salope ne m'a pas épargné. Combien de fois j'ai cru être abandonné. Tu sais j'ai pleuré un jour dans ma vie. Il faut que tu le vives. J'ai chopé la maladie de la poésie. Et depuis je fais craquer les filles et mes défis. Briser des filles, au bout du fil j'entendais tes pleurs. Et tu me disais je retrouverai ta confiance, mon cœur. Je fais attention à toi comme avec une fleur. L'amour c'est mon moteur. Je suis aussi bien blague que charmeur. Tu cherches bonheur. Et bien je suis ton porte-bonheur. Ouais. Et pas ton porte-malheur. Bitch.